dis maman, pourquoi les enfants sont-ils si méchants? Mon chéri, tu sais, les grandes personnes le sont aussi. Ah bon, décidément, ça n'est vraiment pas marrant. Non mon petit, tu verras, la vie est truffée d'ennui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont pas de Père Noël? Pourquoi Mourad il a pas le droit de manger du jambon? Est-ce que moi aussi je suis un homosexuel? Pourquoi le monsieur tout sale il dort dans des cartons? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants. Vous comprendrez quand vous serez grand. Dis papa pourquoi le facteur dort avec maman? Dis maman pourquoi papa picole un peu souvent? Dis mamie pourquoi mon pépé est mort en prison? Dis Jésus pourquoi tu fais jamais ce que j'attends? Qu'est-ce que j'aurai comme cadeau pour mon anniversaire? Pourquoi j'ai pas le droit de parler à des inconnus? Qu'est-ce que ça veut dire la position du missionnaire? Pourquoi Caroline se fait toujours pipi dessus? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants. Vous comprendrez quand vous serez grand. Est-ce que les enfants d'Afrique ont la télévision? Pourquoi Marie Virginie a perdu ses cheveux? Est-ce que les œufs poussent un petit peu comme les champignons? Pourquoi c'est interdit de dire aux vieux qu'ils sont vieux? Est-ce que Gargamel arriverait à rentrer chez nous? Pourquoi la maîtresse a dit que Le Pen est gentil? Est-ce que les juifs et les arabes sont vraiment comme nous? Alors pourquoi mon copain Kader il est puni? Je sais que je comprendrai quand je serai grand. C'est ce que m'ont répondu mes parents. Et je répéterai à mes 12 enfants. Vous comprendrez quand vous serez grand. Et je répéterai à mes 12 enfants, vous comprendrez quand vous serez grands.